les prières, tous les archers ta prière. Lève, il me dit il faut réussir, quand je lui dis que je peux pas m'en sortir. C'est sans haine que je vais crever, la société va pas changer. La société va pas changer, la société n'a pas changé. À consommer, descend de ton nuage, sur Saturne va s'envoler, sur Saturne va s'envoler. Ouvrez les yeux, peuple des cieux, car tous ensemble on vénère le même Dieu. Père des décrets déformés, la société n'a pas changé, la société n'a pas changé, la société n'a pas changé. Tes idéaux, ta fierté c'est le gueuler tout haut. Fou volcan, espèce de blaireau, j'éteindrai plutôt dans ton cerveau. J'éteindrai plutôt dans ton cerveau. Nos cœurs liés pour l'éternité, ne pas oublier le passé. Même riche de célèbres, ce que fait de la vie est taché. Ce que fait de la vie est taché. Ce que fait de la vie est taché. Même sans denier, sans quoi manger, certains te diront maîtrise tes pensées. Quoi que tu dises, c'est vérité. Sur les bases d'un monde de paix, sur les bases d'un monde de paix, sur les bases d'un monde de paix.